Le jour suivant, le marquis fit mettre ses chevaux à sa chaise et disparut pendant 15 jours, sans qu'on sût ce qu'il était devenu. Cependant, avant de s'éloigner, il avait pourvu à tout ce qui était nécessaire à la mère et à la fille, avec ordre d'obéir à madame comme à lui-même. Pendant cet intervalle, ces deux femmes restèrent l'une en présence de l'autre, sans presque se parler, la fille sanglotant, poussant quelquefois des cris, s'arrachant les cheveux, se tordant les bras, sans que sa mère osât s'approcher d'elle et la consoler. L'une montrait la figure du désespoir, l'autre la figure de l'endurcissement. La fille 20 fois dit à sa mère « Maman, sortons d'ici, sauvons-nous » Autant de fois, la mère s'y opposa et lui répondit « Non, ma fille, il faut rester, il faut voir ce que cela deviendra. Cet homme ne nous tuera pas. » « Et plût à Dieu, lui répondit la fille, qu'il l'eût déjà fait. » Sa mère lui répliquait « Vous feriez mieux de vous taire que de parler comme une sotte. » À son retour, le marquis s'enferma dans son cabinet et écrivit 2 lettres, l'une à sa femme, l'autre à sa belle-mère. Celle-ci partit dans la même journée et se rendit au couvent des Carmélites de la ville prochaine, où elle est morte il y a quelques jours. Sa fille s'habilla et se traîna dans l'appartement de son mari, où il avait apparemment enjoint de venir. Dès la porte, elle se jeta à genoux. « Levez-vous, lui dit le marquis.